Bien sûr, le soleil brûle trop fort. Au pays de Lucie trompe la mort. Bien sûr, la neige ensevelit les enfants de Yougoslavie. Bien sûr, les gamins fument du shit. Mais ils ont rien, qu'est-ce qu'ils méritent? Bien sûr, on cherche des pépites. Autour du soleil, on gravite. Et moi, monsieur, j'ai rien à dire. J'aime bien manger puis dormir. Bien sûr, mon copain, il a mal. Le nez, les yeux d'un animal. Bien sûr, il est un peu feignant. Moi, au moins, je gagne de l'argent. Bien sûr, y a l'Amérique du fric. L'Afrique qui meurt et le Népal. Bien sûr, Le Pen est un peu flic. Mais pour faire bien, il faut faire mal. Et moi, monsieur, j'ai rien à dire. Faut travailler pour réussir. Bien sûr, les vieux sont enfermés dans des casernes aseptisées. Bien sûr, les docteurs sont gentils, leur donnent même des raviolis. Bien sûr, les enfants de nulle part se retrouvent souvent au mitard. Quand on n'a pas connu l'enfance, faut subir les conséquences. Et moi, monsieur, j'ai rien à dire. Faut travailler pour réussir. Bien sûr, c'est chacun pour sa gueule. Il y a les pauvres, il y a les seuls. Vaut mieux être riche et bien portant. Et je vais vous dire. Sinon je ne serais pas grand chose. Mon petit chez moi, ma petite névrose. S'il n'y avait pas toute cette misère, alors je ne serais pas vraiment fier. Et à vous, monsieur, je pense.